Quand j'ai le teint pâle, toi ma belle opale, avec ta lumière, tes jolies manières, tu emplis mon être d'un précieux bien-être. Quand j'ai l'âme triste, toi mon améthyste, tu es comme un baume tendre et guérisseur, mon abri, un dôme rempli de douceur. Pierre de j'aime, vous pierre que j'aime, vous m'êtes précieuse. Jolie pierre, précieuse, fine et gracieuse, c'est bien vous que j'aime, c'est bien vous que j'aime. Quand j'ai mauvaise mine, je prends la tourmaline ou bien l'obsidienne en dose quotidienne, puis la malachite et tout mal me quitte. Mais quand je me gâte, c'est la pierre agate qui par ses couleurs m'offre le bonheur positivement, définitivement. Pierre de j'aime, vous pierre que j'aime, vous m'êtes précieuse. Jolie pierre, précieuse, fine et gracieuse, c'est bien vous que j'aime, c'est bien vous que j'aime.